Saisis ihre beste Mannschaften. The main event. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, champions, die Meister, die Besten. Les meilleures équipes, the champions. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Galère. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou que nous avons choisi ce soir, collégialement, d'intituler Football et arrêté préfectoral. Vous n'êtes pas sans savoir, vu les événements récents qui se sont passés dans notre chère patrie française, que l'état d'urgence sévit et le football et votre très chère émission de radio Débattons d'Anguirou ne fait pas exception à la règle. C'est pourquoi nous avons décidé de parler de tout ça ce soir avec le docteur bien sûr et le coach. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir coach. Bonsoir à tous. Et bien sûr, une émission sur l'arrêté préfectoral ne serait pas une émission sur ce thème-là sans un invité prestigieux. Il nous fallait quelqu'un de sérieux. Nous avons donc parmi nous ce soir le préfet. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, jeune Jean. Philippe Auer dit le préfet. Vous avez sévi à Marseille dans les années 90 et 2000 au sein de l'Embobineuse. Un lieu mythique, bien connu de nous tous, où vous occupiez, la place qu'occupe actuellement le shérif, c'est-à-dire les entrées, la conformité des entrées dans ce lieu à risque. Oui, ben, il faut bien admettre que j'ai fait rentrer dans ce lieu tous les petits cons comme vous, quoi, qui venaient dépenser leur pognon chez nous et boire de nos bières, essayer de nous piquer nos bières aussi, donc... J'ai un peu réussi à mettre de l'ordre pendant un certain temps avec le shérif, qui était un adjoint tout à fait, je dirais, spécial mais efficace. Il se trouve par ailleurs, mon cher préfet, que vous êtes également éditeur ainsi qu'auteur. C'est aussi pour ça qu'on vous reçoit ce soir. Les éditions Vent-Loup. Vous pouvez nous en dire deux mots, la ligne éditoriale de cette maison d'édition, cher préfet. La ligne éditoriale des éditions Vent-Loup, c'est d'abord et avant tout de trouver des livres bien, des livres qu'on lit avec l'œil gauche et l'œil droit de façon fluide et agréable, ce qui, par les temps qui courent, est assez difficile à trouver, je l'avoue quand même. La recherche d'auteurs, la poursuite des auteurs est assez compliquée. Mais on y arrive. Et vous êtes vous-même auteur. Vous avez publié au sein de votre propre maison d'édition un fameux livre dont nous allons parler pour ce début d'épisode des Bâtons d'Anguirou. Un livre qui s'intitule « 30 tours de stade », si ma mémoire est bonne. Oui, bien, bravo. Le coach ne l'a pas lu, par contre le docteur, lui, l'a assidûment parcouru. Il va nous en faire une petite critique chronique dans la foulée. Mais, cher préfet, cher Philippe, si vous pouviez présenter brièvement à nos auditeurs la teneur de cet ouvrage. Alors, donc, 30 tours de Stan, c'est donc 35 chroniques. En fait, il y en avait 30 au départ, mais comme ça faisait un peu court, j'en ai rajouté. 30 chroniques sur le sport, qui est votre sujet préféré. Donc, j'ai fait quoi? Pendant un mois, j'ai regardé tous les jours la télé et j'ai chroniqué les événements sportifs en me disant que j'aime parler du spectacle et ma foi, le sport, c'est quand même le spectacle que tout le monde regarde. quand même beaucoup plus vu que n'importe quel autre spectacle. Donc à un moment donné, il me semblait un peu intéressant de parler de l'image que la société se renvoie elle-même en faisant du sport. L'ouvrage se présente sous la forme d'une trentaine donc de chroniques qui ne parlent pas que de football, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pourriez, pour introduire cette émission, nous faire le plaisir de lire l'une d'entre elles ? Allez, ça va, j'en ai choisi une. Je mets les lunettes, je retrouve la chronique, ça y est. Alors, ça parle donc, bon, j'ai choisi pour vous une qui parle de foot, parce que je crois que vous connaissez que ça comme sport. Donc, voilà. Détrompez-vous, parce qu'on a une succursale rugby à des bâtons d'Anguirou qui s'appelle La Bite dans la Porte. Il y a déjà eu un premier épisode sur cette thématique. Et donc, on s'ouvre. Des bâtons d'Anguirou s'ouvre aux autres disciplines. On projette une émission sur le cyclisme plus tard dans l'année. Donc, Non, c'est bien. Je vois que vous respectez cet autre préfet qui est Monsieur Laporte. Tout à fait. Bien. Alors donc, pour parler des grands hommes... Voici la chronique qui s'intitule « Le fait du pince ». Ça existe une poignée de main entre Thierry Henry et Maradona. Une photo officielle sur le perron d'un Élysée quelconque. Ça existe ou pas ? C'est dommage. La photo entre la main de Dieu et la main du diable, ça fait froid dans le dos. Mais si oui. Les journalistes ont bien dû nous organiser ça tout de même. Pour leurs mains, il faut dire cependant qu'ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Maradona est quand même adulé pour ce geste aussi, tandis que Henry a carrément dû s'exiler. Examinons de plus près les circonstances. Maradona est un abou. Il s'élève dans les airs car il a la cuisse. Hélas, quelques centimètres lui manquent. Il dissimule alors sa minette dans sa chevelure et, faisant croire à un fabuleux coup de tête, il boxe la balle et marque. Thierry Henry, de son côté, à la dernière minute d'un match crucial mais nul contre l'Irlande, voit le ballon passer devant lui dans un réflexe inconscient, forcément c'est un réflexe, il le pousse de la paume vers un partenaire qui est si surpris qu'il marque. La différence saute aux yeux, à peu près 20 cm. Il est pas mal grand, Henry, et Maradona, pas mal petit. Le petit est malin, le grand est benêt. On n'y peut rien. C'est comme ça depuis la nuit des temps, car avant de grandir, on était tous petits, et il fallait bien compenser et emmerder les grands. Et ici, le petit malin, on voit bien qu'il n'a pas fait ça par hasard. Je suis même certain qu'il a dû en rêver toute sa vie d'un coup pareil. La main cachée. C'est pour ça qu'il ne se coupait pas les cheveux et qu'il les laissait friser. Mettre un faux but de la tête dans un quart de finale de Coupe du Monde en faisant moins d'1m70, c'est quand même le fantasme absolu, non ? Maradona est coupable avec préméditation qu'on lui coupe la tête. Ah non ! Il n'en restera plus rien, désolé. Surtout qu'elle est assez grosse comme ça, proportionnellement. Henry est coupable. Bof, ça sonne fou. Tiens, ça vaut même pas le coup de lui couper la tête. Mais si ni l'un ni l'autre n'est coupable, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont trahi leur sport, les ladres. Ils ont donné à nos enfants l'exemple de la tricherie, de la forfanterie, de la vilainie, de la duperie. Ne nous étonnons pas si nos enfants deviennent des cadres. Les règles du jeu sont intransgressables. C'est la base même du sport. Le sport, c'est une armada de règles. Et toute personne qui a déjà joué au Monopoly sait qu'une règle, c'est fait pour être contournée. Sans ça, on s'ennuie. Le foot, c'est le pas vu, pas pris. C'est le règne du plus malin. Du petit maradonesque fier de bien tricher, fier d'être au-dessus de la règle. Ce n'est pas par son talent que Maradona exprima ce qu'il y a de plus beau dans le foot. C'est par sa main. Voilà pourquoi il la nomma lui-même la main de Dieu et qu'il entra dans le dictionnaire. Et ce bonnet de Henri, tout penaud de sa mimine fatale, il croyait quoi ? Qu'il allait finir en prison ? Le tacle en douce qui fait mal, le coup de coude, le but hors jeu, pas sifflé, voilà le bonheur du foot. Oubliez pendant 90 minutes qu'il y a des lois. Imaginez une seconde un monde où il y aurait toujours plus de lois. On finirait par avoir peur de tout. Imaginez un sport où il y aurait toujours plus de règles. On finirait par jouer au foot avec les mains, rien que pour rigoler. Merci, cher préfet, cher Philippe Hauer. Je laisse la parole au docteur qui a préparé une petite critique chronique de votre ouvrage 30 tours de stade, on le répète, aux éditions Vanlo, V-A-N-L-2-O, qu'on trouve dans toutes les excellentes librairies marseillaises notamment, mais mondiales j'imagine aussi. Docteur, à vous la parole. C'est un petit livre, introuvable, orange, 10 centimes la page. Au titre, on s'échaufferait presque. 30 tours de stade, ça fait à vue d'œil 10 000 mètres. Le supplice éthiopien d'un irascible entraîneur. Mais non, ça ne tient pas la route. Il existe nombre de stades. Des stades 2, des vélodromes, des stades anal, des stadiers. Dans la plupart des cas, on a bien vite fait le tour. Et là pourtant, on s'arrête au stand. Forcé, il est vrai, par la tournure anecdotique de l'ouvrage. Et tout de suite, on se choumarre. Le type qui l'a écrit a beau faire le dur, son petit livre réchauffe. À caresser la vacuité du ballon, du vent, de ses zooms sur des jambes glabres à vous donner le tournis, sa posture est en su saupoudrée de sa juste dose d'aigreur. Le bras d'honneur de Pioline, anti-champion asserti du bois, la chanson de geste de Barsoli, le médusant érotisme de Miloslav Messir. On aurait eu envie de les écrire. C'est un petit livre. Orange, 10 centimes la page, le papier sort directement de l'étagère des chiottes de ma grand-mère, mais le type qui l'a écrit s'est embusqué dans son canapé, attendre une bordure d'une du Rhin qui n'arrivera jamais. Le type qui l'a écrit est amoureux de Surya Bonali et n'en révèle rien à son psy. Le type qui l'a écrit a maudit Lady Di, peut-être même à haute voix, parce qu'elle lui a bousillé ses mondiaux de cyclisme sur piste. C'est un petit livre, orange, qu'on a plaisir à sortir quand Robodrou tape une pénalité, à embarquer pour un plan à trois, avec Jacob Delafont, et qui vaut bien ses 10 pains au chocolat. Alors pour éviter les formules de remerciement d'usage à ce type de panégyrique, je vais poursuivre par une courte lecture d'un passage que j'ai particulièrement apprécié, comme vous l'aurez compris. Je n'ai jamais compris cette épopée estivale. Je me souviens que c'était le pensum de mes vacances. Des types qui roulent, et qui semblent ne pas avancer, puisque la caméra avance avec eux. Ils restent au milieu de l'écran, tourne les jambes et ne bouge pas. Quand le tour est passé devant chez moi, ce fut exactement l'inverse. Je n'ai qu'entreaperçu Bernard Thévenet, maillot jaune. C'est passé beaucoup trop vite, et puis plus rien. Ça a influencé toute ma vie, je crois. Qu'une épopée soit quelque chose où les gens sont parfaitement immobiles. C'est l'histoire de la mouche dans la voiture. La voiture avance, alors pourquoi la mouche n'est-elle pas collée au pare-brise et vole tranquillement à côté du conducteur ? Même les vitres ouvertes. La voiture se déplace, mais la mouche fait comme si de rien n'était. On pouvait ainsi emmener une mouche en vacances sur la Côte d'Azur sans que rien ne bouge pour elle. Eh bien, pour le Tour de France, c'est pareil. Les coureurs, c'est la mouche, la caméra, la voiture. Le tout traverse la France sans que rien ne change jamais. Ça pédale et c'est toujours bien cadré, ça touche pas les bords, ça s'écrase pas contre le pare-brise. Voilà l'épopée moderne, l'éloge de l'immobilité. Merci, cher docteur. Je vous propose, avec le coach, de débattre un petit peu de cet ouvrage. Moi, la première question, finalement, que j'aurais envie de poser au préfet, Philippe Hauer, c'est est-ce que vous aimez le sport, finalement ? Puisque vous en dites pas mal de mal, mais vous semblez aussi un peu nostalgique d'une époque perdue. Quel est votre rapport, finalement, au sport, au jeu ? Alors, bien entendu, le sport, c'est la plus belle connerie du monde, mais en plus, c'est surtout la plus belle façon de perdre son temps en commun. Donc, c'est quand même ça qui m'intéresse. C'est comment on réussit à regarder tous, avec ferveur, quelque chose qui ne sert à rien, juste à perdre notre temps. Et ça, ça me paraît important. Ma nostalgie, elle est là. Si tu veux, c'est de trouver des gens qui acceptent de perdre leur temps et qui savent qu'ils le perdent, mais avec élégance, comme au tennis. Et plaisir. Et plaisir, bien sûr. Est-ce que vous-même, donc, vous avez eu ou encore parfois ce plaisir à regarder un événement sportif en direct ou même dans les radio-reportages éventuels? Alors, moi, mon plaisir, il est dans le plaisir de supporter. C'est, le sport, c'est une opposition et moi, ça me fait marrer. Donc, je supporte l'équipe de France de n'importe quel sport. Je crois que même celle de Bill Bocquet, je la supporterai, histoire de rigoler. L'important, c'est que mon préféré gagne. Alors, quand il y a deux équipes dont je me fous éperdument, eh ben, j'en choisis une au pif, généralement. Et je la supporte. Donc, c'est ça le plaisir du sport, c'est de supporter, hein, de supporter quelqu'un. Le seul intérêt, c'est qu'on gagne. Le reste... Mais alors si je vous décris, et après je laisserai la parole à mes petits camarades, également comme nostalgique, c'est aussi quand en préparant un petit peu, parce que des bâtons d'Anguirou, bien sûr, on prépare énormément nos émissions, c'est le résultat de quelques semaines de travail à chaque fois, et donc d'entretien avec vous, cher préfet. Si je vous décris aussi comme nostalgique, c'est parce que vous avez aussi une description du geste sportif, et un discours à propos du geste sportif qui serait, selon vous, mort en 1940. Et la beauté du geste, voilà, j'ai envie de vous interroger sur cette notion. Alors, et vous, la beauté du geste, vous aimez ça ? Moi, j'aime la beauté du geste. Est-ce que vous avez la beauté du geste ? Encore aujourd'hui, dans des bâtons d'Anguirou ? Est-ce que vous savez faire tomber votre mégot avec élégance ? J'espère. Est-ce que vous savez le jeter dans une canette de bière ? Je n'y arrive pas souvent, mais j'espère y arriver de temps en temps. Est-ce que vous réussissez à parler dans le micro ou en buvant sans rien renverser ? Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Ah, donc voilà, vous n'avez pas l'amour du geste. Ah non, l'histoire du geste... C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir quand même que tous ces sports modernes là qu'on pratique, donc le football, le rugby, tout ça, sont quand même nés grosso modo en Angleterre au milieu de la grande industrialisation. Et ça me fait rire de voir que finalement on a réussi à faire chier les ouvriers jusque pendant leur temps de repos, leur maigre temps de repos. Le geste, c'est... Bah, à l'usine, vous avez le geste qu'on vous oblige à faire. Alors, vous regardez Charlot, hein, qui tourne ses boulons désespérément. Et pendant ses loisirs, vous l'obligez à prendre un ballon avec les pieds, donc à avoir un geste particulier. Et donc, on réussit à emprisonner le geste partout, même dans le temps soi-disant libre. Donc le geste, le temps, ça va avec, hein, tout est chronométré. C'est, le sport, c'est marrant, c'est quand même l'ère du chronomètre. Un match de foot qui se joue à la seconde près. À un moment donné, oui, aussi un match de basket. La dernière minute dure une demi-heure. Donc on a un rapport au temps et au chronomètre absolument merveilleux. On est pendu à ça, à ce truc, encore plus. Et donc tout est... Fut un temps où on écoutait les cloches de l'église et on regardait le soleil en s'endormant et en se peignant la moule. Et bien maintenant, voilà, on est obligé de suivre la montre. Et ça, c'est pour moi le fantasme de l'homme moderne, le fantasme du modernisme de la fin du 19e. Et le modernisme, c'est l'homme-machine, l'homme qui devient une machine. Et ce fantasme-là, ben, il a été développé avec tout le futurisme italien et tout ça, ce qui a quand même pas mal contribué au fascisme mussolinien et compagnie. Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, le fantasme de l'homme-machine, ben, il s'est quand même cassé la gueule avec l'arrivée du nazisme en France et autres petits détails de l'histoire. Et ce qui fait que ben, l'homme-machine, on a tous cessé d'y croire. Mais le sport, ça continue à être le fantasme de l'homme-machine. Le cycliste avec sa bicyclette. Les deux, bloqué dans l'autre. Mais ce fantasme est mort. Mais on nous le sert à longueur de temps, à la télé. Des heures et des heures d'antenne d'un fantasme mort. Et moi, ça m'amuse. Alors docteur, coach, est-ce que l'un de vous deux souhaite réagir à tout ce qui vient d'être dit ? Coach, à vous la parole. Bah disons, moi j'ai quand même le sentiment, là, par rapport au sport, en fait, que notre invité est un athée du sport, en fait. Et peut-être que plus que le sport lui-même, c'est sa représentation qui l'intéresse, et presque sa dimension spectaculaire, d'une certaine manière. C'est le sport en tant que spectacle d'une société qui se mordrait un petit peu la queue, mais... Oui, c'est ça, exactement. Le sport, c'est le spectacle le plus vu au monde. Enfin, n'importe quelle pièce de théâtre doit au maximum avoir 1000 spectateurs en une soirée, et n'importe quel match de foot a au moins 10 000 personnes pour y assister. Dans un, la pièce dit peu ou prou quelque chose, dans l'autre, il dit rien. Alors on est d'accord, hein, c'est le sport dans sa dimension professionnelle. C'est dans sa dimension professionnelle, oui, oui, bien sûr. En tant que spectacle, vraiment. Et oui, la pratique sportive, je pense que c'est un autre volet. Le fait de faire du... En ce moment, c'est marrant, je les vois tous courir devant chez moi. Tu vois, en plein hiver et tout, ils arrivent avec les gants, ils courent, ils s'entretiennent leur corps. C'est merveilleux. Comme de plus en plus, tout le monde fait du sport. Ça vous fout pas la trouille, vous de... Ben non, moi, disons que j'ai toujours espoir que ce seront des donneurs universels et que j'aurai droit à leur rein ou à quelque chose comme ça, hein, de gens qui ont fait du sport et qui seront en bonne santé, qui pourront me filer un demi-foie de bonne qualité. Ah, mais tu rêves, hein, mon bonhomme, hein, parce que c'est pas parce qu'ils font du sport qu'ils vont claquer après toi, hein, ça, je te rassure. Je suis pas sûr que ce soit si bon que ça pour la santé de faire du jogging. Ouais. Ni de mettre un jogging, hein, d'ailleurs, c'est pas... On sait pas. Docteur ? Non, moi je m'interroge effectivement sur ce rapport un peu schizophrène que vous semblez nous livrer, puisque effectivement, d'une part, vous êtes insupporté par le sport, d'autre part, vous êtes supporteur. Alors d'une part, vous êtes un athée, comme vous décrit le coach et ce que vous semblez accepter, et d'autre part, vous êtes un idolâtre, puisque en réalité, vous arrivez à idolâtrer ces robots. Alors, moi, je me pose une question, quand même, c'est comment fait-on pour distinguer dans l'idolâtrie, puisque c'est ça, hein, que aimer les robots, on arrive à leur donner des formes, finalement, on arrive à se projeter sur ces robots. Comment faites-vous, en réalité, pour sortir de cette, finalement, de cette schizophrénie propre à quasiment tous les supporters ? Mais il n'y a pas de schizophrénie. Vous aimez la télé ? Moi, j'adore regarder la télé. J'ai adoré regarder des nuits entières, des journées entières, la télé. Et la télé, quel est le seul bon spectacle bien filmé qui correspond à la télé ? À part le sport. Les Champs-Élysées avec Michel Drucker. Ouais, le cirque aussi, des fois sur le FR3. Ah ouais, non mais il y a du boulot, les mecs, quand même, il y a du boulot là. J'avoue que le cirque c'est quand même plutôt bien produit. C'est plutôt bien produit, ouais. En général. Ouais. Merci Vincent Perrault. Ouais. Ouais, sans déconner, quand même, le tennis, c'est l'idéal pour la télé. Il y a même dessiné la télé sur le sol, le carré, hop, vous mettez, c'est le même format, boum, allez-vous. Donc moi, qui adorais regarder la télé, j'ai toujours regardé le sport. Voilà une bonne réponse à votre question, cher docteur. Oui, mais oui, c'est une bonne réponse. C'est une réponse, quoi. aux auditeurs, à Philippe lui-même de juger si elle est bonne. Autre question quand même que j'ai à poser, je m'interrogeais sur la manière qu'il a eu d'écrire. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il a écrit pendant 30 jours réellement ? Ces 30 jours, il s'est plongé finalement tout seul avec ses différents spectacles, sa télécommande et... Et puis il a projeté sur papier, après il a retaillé. Est-ce que finalement le cœur de ce que vous écrivez, on va dire dans la journée, vous aviez réussi à l'écrire et puis vous l'avez remodelé ? Comment ça s'est juste déroulé ? Parce que c'est un effort qui est assez intéressant finalement de passer 30 jours devant la téloge. C'est à peu près la durée du tour. Voilà, c'était pendant cette période visiblement en 2011. C'est un super tour d'ailleurs. Voilà, c'est juste ça ma question. Et ben, c'est là pour le coup, je raconte pas de crack, c'est exactement comme ça, c'est-à-dire une par jour, qui à l'époque sortait sur un site, voilà. Et donc là, c'est vraiment une par jour. Les jours où j'avais rien à me mettre sous la dent, eh bien, j'allais plonger un peu dans mes souvenirs. Je me faisais plaisir sur autre chose. D'accord, parce qu'il faut rappeler quand même pour les auditeurs que ces chroniques, elles ont été écrites donc entre juin et juillet 2011, et que c'est un livre qui est paru en 2014. Mmh. Et qu'en fait, il y a cinq chroniques à la fin qui ont été rajoutées, ouais, qui datent de 2014, qui sont un peu plus longues que les autres. Mmh. 30 tours de stade, donc c'est l'ouvrage de Philippe Auer, publié aux éditions Van de Loup. Cet ouvrage est préfacé par un homme que les Marseillais connaissent bien, c'est Kid Francescoli. Comment s'est passée cette collaboration, cher préfet? Parce qu'évidemment, on connaît son nom et son art musical à Marseille, et bien sûr, à des bâtons d'Anguirou, on s'interroge, puisque Kid Francescoli porte le même patronyme qu'un joueur qui a officié à l'Olympique de Marseille pendant au moins une saison, je crois, et qui était considéré à son époque, c'est-à-dire à la fin des années 80 et début 90, comme un excellent joueur de football. Un excellent joueur de tête, Basile Francescoli, c'est non. Enzo. Et alors, Kid Francescoli, pourquoi cette préface? Bah, parce qu'il s'appelle Kid Francescoli. Tout simplement. Alors, bah, bien entendu. Quelqu'un qui aime Francescoli ne peut pas être complètement mauvais, de toute façon. Donc, on parlait du geste et de la beauté du geste. Voilà. Francescoli, c'est quand même un rêve. Il y a des joueurs comme ça. Hein, je vous parle de Messi. Voilà, c'est en tennis, c'est un rêve. Et Francescoli, c'est un rêve. Bernard Sall, j'en parle aussi, c'est aussi un rêve. Le lévrier. Voilà. Alors, on écoute Kid Francescoli, un morceau intitulé Disco Queen. C'est parti. Even in death I'm yours. I'm a ghost haunting you. Every time you dance with her, I will start a migraine. In the mood to misbehave, écoutez donc des bâtons d'Anguirou, foot et arrêté préfectoral. On vient d'entendre Kit Francescoli qui préface également le livre de Philippe Auer, le préfet, notre invité ce soir. Vous partagez d'ailleurs, cher préfet, outre un passé ou un présent de portier à l'embobineuse, une passion pour Enzo Francescoli. Le saviez-vous ? Oui. Alors, ben, ça, c'est chouette. C'est chouette que vous le sachiez. Avec le shérif. Avec ça. Le shérif. Avec le shérif, voilà. Bien entendu. Mais le shérif est mon mentor. Et vice-versa, je le crois. Vous l'avez compris, chers auditeurs, foot et arrêté préfectoral, la première conséquence, c'est donc d'avoir été obligé d'inviter le préfet et de parler de son livre. Et on va continuer cette émission avec une probable, on va dire, menace qui plane sur le football, c'est l'éventuel arrêté préfectoral qui vise les fanfares dans les stades de foot. Et ça, c'est Coach Luc qui va tout de suite s'atteler au sujet. Oui, donc ma chronique, en fait, ce sera sous forme de conte, donc une sorte de conte un peu dystopique. Hein. Alors, en tant que coach qui aime beaucoup travailler sur la question de la visualisation et du coaching mental, j'ai foi hein, en la dimension pédagogie magique hein, du conte. Donc, c'est pour ça que j'y reviens et je vais en jouer ici. Donc c'est un conte dystopique, voilà. Je me permets de vous couper, cher coach, parce qu'avec le docteur, on avait besoin d'un éclaircissement quant au mot dystopie. La dystopie, on définit ça assez bêtement comme une utopie négative, c'est-à-dire ce serait un monde imaginaire, finalement, qui ne fonctionnerait que sur ses travers, sur ses dépressions et sur finalement ce qu'il a de plus, disons, horrible. Au niveau social, au niveau économique, au niveau... Et donc là, l'une des horreurs dont il est question dans ce conte, hein, c'est donc l'interdiction des fanfares dans les stades. Donc j'ai intitulé ça « La haine de la musique ». Donc j'ai repris le titre d'un essai de Pascal Quignard, dont il est finalement... il fait un petit peu écho à cet essai. Notamment la partie sur la question de la musique et de la douleur, et enfin de la souffrance plutôt. Donc, par contre, je vais le lire en chuchotant, j'espère qu'on m'entendra bien. Alors donc c'est parti, la haine de la musique. Sécurité renforcée, fouille au corps systématisée, viens te faire contrôler. Portique de sécurité, va te faire scanner. Incident à l'entrée, un homme est bousculé, menotté, humilié, mis au sol sans être ménagé, l'objet du danger confisqué. Le type tentait d'entrer avec une trompette. Le fou. Une trompette et c'est la panique. Poursuite judiciaire engagée. Va te faire conformer. Les animations sont strictement réglementées durant les matchs. Abolition de la fanfare dans les stades. La fanfare n'est plus directement utile dans les commandements des encouragements. La fanfare, ce vice impuni, ce temps perdu, la musique, ne fanfaronnera plus. Tu as le devoir d'encourager, de répéter les mots certifiés. Les manifestations hostiles sont autorisées. Entends les ordres et obéis. Ôte ton cerveau de ta bouche, enlève ton esprit de tes oreilles. On a les moyens de te faire chanter. Ta bouche va marcher au pas. On va étouffer ton cri animal d'homme. Tu n'as plus de voix. Le chant n'est que discipline. Reviens au stade une fois que tu seras conditionné. Amène tes enfants bien dressés avec toi. Mais alors on ne dit plus chanter, alors on dit désenchanter. Politique de contrôle des organismes. La séduction, l'ivresse de la musique sont proscrites. Parce que la musique pénètre les corps humains, elle donne sa force. Elle les transforme de sa philophonie. Elle hack les muscles pour les faire danser. La musique, c'est le démon de la joie. Olé, olé, olé. Tu t'abandonnes au son, tu t'abandonnes à ton acoustique existentielle. Tu n'es plus que pulsation rythmique, jouissance esthétique, plaisir physique. L'idéologie de remuer du cul. Alors la musique te fait pleurer ? La musique est une langue favorable à la liberté. Mais tout ça, c'est terminé. Les grands inquisiteurs se sont emparés des sons. Ils ont colonisé les bruits. Ils vont te boucler les oreilles. Leur propagande va te boucher tous les trous. Ils insistent sur le fait que tu es mortel. Ils disent que la musique est du bruit létal, un bruit qui court et qui tue tout sur son passage. Alors l'enfer est interdit. Ils te parlent de loi et de péché. Ils te parlent de maléfices. Ils te parlent d'addiction. Il te parle de dépravation. Pornographie dans le palais de la déviance. Il te parle de viol. Il te parle de mutation porcine. Il te parle d'intolérance. Ils disent que la musique est neurotoxique. Les arguments invoqués par le pouvoir sont innombrables et variés. On peut s'en prendre à l'influence de la musique sur les esprits et les corps. On peut en critiquer l'obscénité et le déclin moral. On peut en contester la vérité par rapport au texte de la loi. On peut s'attaquer à la figure du musicien dont le culte idolâtre agace les vrais élus. On peut désavouer l'individualisme de sa réception dans la fabrication d'imaginaires intimes. On peut rejeter la place de son industrie et de son système capitaliste condamnable dans l'économie. On peut renier la place individualiste, élitiste, parasite de l'artiste dans la société. La musique n'est qu'un artifice, un ornement superficiel qui détourne l'entendement des vraies choses. Le temps viendra où l'art sera une chose du passé, une création faite une fois pour toutes, une création des âges non réfléchis, la préhistoire qu'on adorera haïr tout en reconnaissant qu'il n'y a plus rien à en faire, d'autre qu'à part l'oublier et l'oblitérer. Et tout ça, c'est leur refrain en boucle. Mais ce qu'on entend en réalité en nous est tout autre. Le pouvoir de la musique les fait tellement flipper. La musique est un langage, elle est capable d'apaiser, elle est capable d'entraîner vers la mort. Ils ne s'arrangent, eux, que du chant des sirènes. La musique fait du bien, mais le bien et le mal, c'est leur affaire exclusive, c'est leur petit commerce à eux seuls. C'est la peur qui donne des ordres au motif de la pureté. Ils ne savent pas quoi faire de leurs oreilles. L'oreille est pour eux l'organe de la peur. Ils croient que la peur nous rassemble alors qu'elle nous anéantit. Le drame de leurs illusions, leur leçon de ténèbres, c'est le mythe de l'ennemi unique. La haine de la musique, structurelle et barbare, interdit la fanfare dans les stades et phagocyte les ondes alpha. La haine de la musique ne rêve que de minutes de silence. Cette fascination haineuse peut aller jusqu'à la répression hypnotique. Le stade est maintenant leur territoire, le stade est maintenant leur scène. Au spectacle de ce soir, la haine de la musique, messieurs, dames. Bientôt, le rire aussi sera interdit. Alors, le personnage de mon conte, lui, a décidé de résister, de combattre la fachophonie. Sur une jambe, l'autre est fausse, sous le genou. Jamais pour lui d'adieu à la musique, jamais. Parce que le silence des fanfares fait mal. Alors, il n'est pas anarchiste, il fait partie de ce groupe de supporters d'élite qu'on appelle les haut-parleurs. Une fois dans le stade, il commence par un cri de bébé pour mettre à l'épreuve les autorités, la milice surveillante. Il déroule la membrane en peau du tambour enroulé autour de sa taille. Il voulait prendre la peau de son ventre, mais il n'a pas la fibre martyre. La seconde membrane est le cuir de son blouson. Le cerceau métallique est dans sa ceinture. Les vis de serrage sont ses boutons de manchette. Il arrache un siège en plastique, le recouvre d'un gel autochauffant récupéré dans ses chaussures pour le ramollir, et le tord de manière à joindre le rebord de l'assise avec le haut du dossier. Il tend les peaux sur ce fût improvisé. Ses mains sont des baguettes pleines de doigts énergiques, des mouvements d'exaltation mystique, des émotions humaines, tonifiants pour stimuler les passions, jouer sur les nerfs, tout en effet divergent et déliant. Le PQ est prohibé dans les stades, mais les prothèses des amputés ne sont pas encore dans la liste d'objets interdits de tribune. Il défait les liens à son genou. Sa prothèse, ce sera son marteau pour la rythmique basse, basée sur celle de sa respiration. C'est la signature de son écriture harmonique. Puis il se dresse, guerrier sur une patte, et prend du volume. Il commence à jouer, une fugue qui dialogue avec la masse. Puis des cadences en spirale, jusqu'à perdre la mesure. Il va nous en mettre plein la gueule. Des boucles ressentissantes droit au cœur. Autour de lui, la clameur enfle et devient un rugissement syncopé. Il tape plus vite, plus fort, plus grand. On le soulève du sol et on le hisse à bout de bras. Il n'est plus que fracas céleste à ébranler les tribunes et les âmes. Il flotte au-dessus de la foule qui fait des signes. Et il s'élance pour un tour de stade en hurlant de toutes ses forces. Il absorbe le monde entier en tournoyant, érotique à mort. Il va vous rincer les oreilles. Bye. On vient d'écouter Pixie, Pig Football. Désolé, chers auditeurs, pour avoir un peu éventré le début de ce morceau, comme si l'arrêté préfectoral concernant la musique dans les stades et les fanfares avait bien été promulgué. Mais non, la résistance s'organise, comme le personnage de votre conte le prouve bien. Mon cher coach, est-ce que le préfet souhaite un petit peu réagir à ce conte dystopique du coach sur une éventuelle fin de la musique et des fanfares dans les stades? Qu'est-ce que ça impliquerait, selon vous? Des stades silencieux? Ah, ça serait bien, des stades silencieux. On entendrait juste le sifflet de l'arbitre. C'est bien. Je trouve quand même que un peu d'ordre au milieu de ces... Puis, tout le monde, mais vraiment, tout le monde serait obligé de fermer sa gueule? Ah non, c'est seule la musique est interdite. Les chants de supporters sont toujours autorisés. Oui, mais des chants... C'est-à-dire les prières sont écrites, hein, et chacun vient avec son bréviaire et récite ses leçons. Oui, mais... Le chant liturgique est toujours autorisé, mais plus la musique, plus la fanfare. Ah, plus les instruments de musique, parce que le chant, c'est bien de la musique aussi, non? Non, parce que si on veut interdire vraiment la musique, il faut interdire les voix aussi qui peuvent chanter. C'est terrible, une voix qui chante, c'est terrible, mais 10 000 voix qui chantent, c'est horrible. C'est l'enfer, c'est une image de l'enfer. Donc il faut faire quelque chose. Mais là, c'est juste la musique. Les chants sont toujours autorisés. La fanfare. Ah. La dimension, disons, un peu festive et décalée, peut-être, de ce qui n'a peut-être pas lieu d'être là, hormis d'être un accompagnement. D'accord. Donc, vous me rassurez, j'ai encore du travail, parce que... Enfin, je voudrais pas... paraître soupçonneux, mais il me semble qu'un chant, fût-il liturgique, est encore un peu de la musique, que, ma foi, peut-être on a encore la possibilité de l'interdire, non? Enfin, est-ce qu'il est encore possible d'interdire quelque chose? Mais de toute façon, tout vous est possible, cher préfet, hein, c'est vous qui décidez en ces temps difficiles de toutes les interdictions possibles, donc on comprend bien que la musique est déjà bien en danger, vu ce que vous venez de nous dire, et que les chants pourraient eux aussi disparaître des stades docteurs. Oui, c'est encore une nouvelle fois une question de stade en réalité, puisque si j'ai bien compris ce que nous racontait, ce que nous prophétisait en réalité le coach, il s'agit d'un stade, puisque le coach évoquait la possibilité d'interdire le rire lors d'un futur stade. Donc voilà. Le principe de l'état d'urgence, le préfet nous le rappellera certainement, c'est d'aller de stade en stade, bien sûr, puisqu'un stade, c'est aussi une échelle d'évolution, quelque part. Donc voilà, je pense que nous nous comprenons en réalité. Moi, je suis surpris par cette colère du coach, colère que je retrouve chez le héros, colère que je retrouve chez ces musiciens tchèques, donc, qui nous parlent de football, de pig football, de football de cochon, en réalité. Alors, on en est toujours sur mon anthropomorphisme de tout à l'heure, ou pas? Qu'en pense finalement notre auteur, qui est un auteur omnisport, hein, si nous l'avons bien compris? Oui, tout à fait. Puisqu'il ne parle pas que de football, lui, mais voit-il des robots, des animaux se battre dans l'arène en permanence, voilà, sur tous les terrains, sur tous les stades, sur un court de tennis, éventuellement dans un gymnase. Est-ce que c'est ça, finalement, l'avenir de ce sport? C'est un combat, une lutte à mort, ou y voit-il éventuellement autre chose? Alors, regardez le rugby maintenant. Je le disais pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps dans l'équipe que les traumatismes des rugbyman maintenant sont des traumatismes d'accident de voiture. Donc vous comprenez bien qu'on a transformé nos gros cochons en gros camions qui se rentrent dedans. Et ils ont, donc maintenant, ils se brisent comme des voitures. C'est une espèce de stade ultime. Donc le bruit des moteurs, non plus de la musique. Bientôt le silence. Et je pense que au milieu du silence, nous entendrons le cliquetis des os et surtout le tic-tac des bombes qui pourraient se mettre à vibrer dans n'importe quel stade. Pour corroborer vos propos, cher préfet, j'entendais hier à la télévision que Jonas Lomu, qui est une des plus grandes stars que le rugby est programmé, Jonas Lomu, qui faisait moins de 11 secondes au 100 mètres, je crois, dans la pleine possession de ses moyens, et quelques dizaines de kilos, pouvant approcher le quintal probablement, voire le dépassant. Fabien Galthié disait que ça équivalait à se prendre une Twingo à 40 ou 50 km/h. À peu près, ils avaient calculé ce phénomène Jonas Lomu de cette manière. Et ben c'est vrai qu'on se souvient lors de la fameuse demi-finale France-Nouvelle-Zélande 99, remportée par la France, que Xavier Garabajosa, qui était arrière du 15 de France, en fait, ça s'est esquivé, alors que le rôle de l'arrière est celui de garder la maison jusqu'au bout. Et en fait, il s'est esquivé devant Jonas Lomu, puisqu'il a eu peur de se faire broyer. Il a eu raison. On peut le comprendre. Comme quoi, voilà, Xavier Garabajosa, qui a eu le tort pendant ce match d'être teint en blond, a parfois fait preuve d'intelligence dans sa carrière. Et là, Bernard Salle, qui avait les cheveux gris et n'était pas qu'un con, a compris qu'un camion, il faut l'arrêter avant qu'il démarre. Et ainsi a-t-il pris en deuxième mi-temps Jonas Lomu avant qu'il ne démarre. Et il n'a plus rien fait. Sinon, il faut lui crever les pneus. Il faut l'attraper au talon. Le croche-pied est l'arme sans doute l'arme des lâches, mais c'est une arme très efficace. La cuillère dans l'œil, c'est le mieux. Intermède musical bien chaleureux pour continuer ce débatton d'Anguirou spécial foot arrêté préfectoral. Coach, vous pouvez nous dire deux mots de ce petit morceau qu'on écoute actuellement, qui est issu de votre playlist, je le rappelle aux auditeurs. Donc c'est un morceau de Chris Rea qui s'appelle French Football, tout simplement. C'était deux mots. Chris Rea, French Football, pour continuer ce débatton d'Anguirou. Foot est arrêté préfectoral, maintenant on va parler d'un probable arrêté préfectoral qui menace cette fois-ci débatton d'Anguirou en elle-même, puisque on nous demanderait, selon la préfecture, on va du coup nous adresser au préfet directement, d'un peu mieux préparer nos émissions, alors que pourtant on les prépare assidûment, comme chacun de nos auditeurs le sait, et notamment de lire les livres dont on voudrait parler dans nos émissions. Docteur, vous avez vous-même eu vent de cette menace. Oui, effectivement. Voilà, on a reçu donc un recommandé avec accusé de réception. Voilà, qui c'est une injonction à faire son travail correctement, puisque apparemment actuellement en France, il faudrait faire son travail correctement, ce que jamais je n'ai fait, je dois bien le dire. Et voilà, ce qui me hérisse le poil. Mais en bon citoyen, je vais me plier une nouvelle fois. Voilà, à cette exigence du gouvernement donc et du préfet ici présent. Et voilà, il est probable que nous ayons dorénavant à lire les trois épouvantables ouvrages que vous allez, dont vous allez nous parler. Oui, alors docteur, on a choisi pour cette émission de mentionner trois livres que nous n'avons pas encore lus, mais nous avons choisi d'en discuter, de faire une sorte de brainstorming en direct pendant des bâtons d'Anguirou pour voir s'il serait bon ou pas dans le futur d'évoquer ces ouvrages. Le premier étant un nouvel ouvrage de Jean-Philippe Toussaint paru aux éditions Minuit intitulé « Football ». Ah! Ah, alors figurez-vous Manuel que contrairement à ce que prétend cet odieux recommandé, j'ai feuilleté pour l'instant ce livre et je peux vous dire qu'il serait vraiment très très intéressant de parler de ce livre puisqu'en fait il y a déjà énormément de publicité autour de ce livre, donc ce ne serait pas lui faire de la publicité que de rappeler aux gens que bah, il faut pas acheter ce genre de livre parce que c'est quand même des livres qui à mon avis voilà, sont des livres d'une médiocrité confondante. Voilà, on utilise un vaste sujet pour se faire mousser et voilà, tout à fait le style de Toussaint, l'imposture comme on a envie de le qualifier, peut-être le qualifiera-t-on bientôt. On l'écoute un petit peu. Ben, je crois que la littérature peut accueillir n'importe quel sujet. En réalité, je vais vous donner un exemple. Les livres de Faulkner se passent au 19e siècle, fin du 19e siècle, dans le sud des États-Unis. A priori, ce n'est pas du tout une période qui m'intéresse, un lieu qui m'intéresse. Donc, je ne lirai jamais des livres qui se passent dans le sud des États-Unis. Mais si c'est Faulkner, on arrive à ce que la littérature peut faire de meilleur. Donc, finalement, la question du sujet est une fausse question. Si ce qui importe, c'est la littérature. Et donc, pour résumer tout ça, le livre s'appelle « Football », mais il s'agit quand même de littérature, de mon point de vue. Oh, l'amour est irremplaçable. L'expérience, les 10 ans que j'ai passé, plus de 10 ans avec Marie, autour de Marie, autour de cette rupture amoureuse, de cette histoire d'amour, sont irremplaçables. C'est évidemment une période qui était très intense, très riche pour moi d'écriture. Et donc, finalement, ayant fini ce cycle, je devais passer à autre chose. Je ne peux pas dire qu'il y ait la même exaltation, mais en même temps, c'est toujours de la littérature. Et c'est toujours la même exigence, et c'est toujours, je crois, le même regard. Et c'est toujours, finalement, la même vision du monde. Et donc, même si je commence le livre par une sorte de provocation, en disant « voici un livre qui ne plaira à personne », on arrive... Alors, en effet, c'est vrai que normalement, ce n'est pas le même public qui va dans les librairies et qui fréquente les stades. C'est une sorte de sophisme parce que peu importe, quand je dis voici un livre qui ne plaira à personne, ni aux intellectuels qui n'aiment pas le football, ni aux amateurs de football qui le trouveront trop intellectuel, je dis oui, mais... Pourquoi c'est un sophisme ? Parce qu'il y a quand même des gens qui aiment la littérature, qui peuvent aimer le livre. Donc finalement, en réalité, c'est un livre qui peut plaire à tout le monde. Voilà, on s'arrête là parce que ça suffit. J'ai envie de vous laisser la parole, cher préfet, coach, cher docteur. Est-ce que des bâtons d'Anguirou doit s'emparer du sujet football de Jean-Philippe Toussaint ? Je sais pas, je pense que la première question, enfin, je sais pas, peut-être que vous savez, vous occupez de littérature. En l'entendant parler, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il a des hémorroïdes, Jean-Philippe Toussaint ? Personnellement, je n'en sais rien. Peut-être le docteur est plus renseigné. Vous avez eu accès à son dossier médical, je crois, en préparant cette émission. Je ne peux pas me prononcer, bien sûr. Je fais mal mon travail, mais par contre, je tiens à continuer à toucher de l'argent de l'assurance maladie, à être un bon fonctionnaire, un bon docteur qui gagne bien son argent. Et donc, je ne révélerai pas ce secret médical au risque d'être exclu de ma confrérie. Donc, je ne vous le dirai pas. Mais là, c'est tout à votre honneur de ne pas révéler le secret médical, mais... il me semble que sur ce livre, c'est la seule question intéressante. Donc à partir de là, si vous refusez de répondre, il n'y a plus de débat autour de ce livre. Mais le débat... excusez-moi. Je ne sais pas. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est inscrit dans son dossier médical ou pas, savoir s'il est chauve et si c'est sa vraie couleur de non-cheveux. Non, moi, ce qui me fascine, en fait, c'est qu'il y a ce brave homme. Hein, il parle de littérature, comme il pourrait parler de Dieu, quasiment. Mais on aurait envie de lui dire, mais tu parles de littérature, mais tu parles de la littérature de qui ? Voilà. Oui, il parle de la littérature comme il parle de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas rencontré, ça, c'est clair. Bon, après... L'autre question qu'on pourrait poser finalement à l'éditeur, c'est est-ce que les écrivains sont les mieux parés ou les mieux armés pour parler de littérature ? Vous avez différents types d'écrivains. Vous avez ceux qui essayent désespérément de faire de la littérature et donc qui sont absolument incapables de parler de leur œuvre, mais qui sont passionnants en vous parlant pas de leur œuvre. Et puis vous avez ceux qui ne font pas de littérature, mais par contre qui savent très bien vendre des cornichons. Et ceux-là peuvent vous parler de leur œuvre pendant des heures et des heures et des heures. Bon, alors du coup, résumons. Doit-on, s'intéresser au sujet Toussaint ? Il faut que vous ayez changé la fin de la phrase. Non, il s'agit pas de doigter, mon cher docteur. Non, mais la question se posait. Pas de toucher rectal dans le préfet affaire. Avait posé la question. Manuel, c'est une question ouverte. C'est une question ouverte. Doit-on? Bon, écoutez, moi j'ai envie de dire qu'on doit, qu'on le fera, parce qu'on ne peut pas non plus laisser tout ça impuni. Laisser tout ça impuni non plus. Non, on ne peut pas laisser tout ça impuni. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Le deuxième ouvrage dont nous allons peut-être parler dans un futur débattons d'Anguirou, c'est ce bel album publié par nos amis, on va dire plutôt les pirates de SoFoot qui nous piquent la plupart de nos idées, débattons d'Anguirou. Bel album sur les années 90 que je montre à nos invités chroniqueurs, avec en couverture une belle représentation de Canto, Eric Cantona. Et alors c'est un bel album d'images, hein, on va dire, grosso modo, beaucoup de très belles photos. Là on a Youri Djorkaeff qui danse en short, là on a le plus beau but de l'histoire du football, c'est-à-dire celui marqué par Patrice Loco contre le club de la capitale il y a maintenant quand même pas mal d'années. Une belle photo de Louis Nicolin avec Michel Mézy, qui ont l'air quand même assez avinés. Copains comme cochons. Et la citation de Louis Nicolin, mes détracteurs, je les encule à pied, à cheval et en voiture. Voilà. Des beaux maillots de gardien de but, des belles coupes de cheveux. Ah, on a là Basile Boli en Toreador et Didier Deschamps avec une chistera. Hein, je crois qu'on peut appeler ça une chistera. Et une préface de Tony Vérel. Alors, si moi, cet ouvrage, en dehors de son aspect graphique, qui est relativement intéressant, me semble plaisant à chroniquer, c'est pour cette préface de Tony Vérel. On rappelle, docteur, qui est Tony Vérel à nos auditeurs les plus jeunes. Eh bien, Tony Vérel est quelqu'un qui fait la justice à la sortie des boîtes de nuit. Avec une nuque longue. Voilà. Qui est aussi par ailleurs un footballeur bien sympathique parce qu'il a l'air complètement con. Et ça ajoute vraiment à son crédit, hein, il faut bien le dire, quoi. Mais moi je trouvais qu'il avait un style assez sympa. Donc j'aime bien Tony Vérel. Mais par contre je ne sais pas comment il a fait pour écrire cette préface. En tout cas elle est écrite et je vais en citer un petit morceau. D'une manière générale, le football était plus marrant dans les années 90. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les joueurs donnent l'impression de sans cesse tirer la tronche. Mais avions-nous vraiment le choix ? Non, on était obligés d'être une bande de potes, sous peine de s'emmerder sévère. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas encore de moyens. À Nancy, nous voyagions en bus. Nancy-Toulouse, il faut compter 12 heures. En jet de nos jours, ça prend une heure. À peine le temps de copiner. Lors des trajets, j'étais le préposé au VHS pour le magnétoscope du bus. J'avais intérêt à ne pas me tromper. 12 heures aller, même chose au retour, j'en prenais 10, ce n'était pas de trop. Action, thriller, comédie et même parfois des films un peu plus osés. Je vous raconte pas ma gêne au vidéoclub. Je faisais d'ailleurs des passages éclairs dans ce fameux rayon. Quel fou rire le jour où, comme d'habitude, pour faire vite, je prends un film au hasard et une fois dans le bus, on s'aperçoit que les acteurs ont des voix québécoises. Voilà un morceau de cette préface de Tony Vérel avec la question qui est suspendue à toutes vos lèvres, j'imagine. Est-ce que les trajets en jet ont détruit le football ? Eh bien, c'est une question extrêmement pertinente, Manuel. Je vois que vous êtes capable de faire déjà une exégèse d'une préface de l'ami Tony Vérel, voilà, et de toucher au but, finalement, du propos de ce garçon. Et c'est vrai que sous cette préface un petit peu anodine est soulevée effectivement cette question-là. Est-ce que le football moderne n'a pas changé en fonction de la révolution des transports ? Et quand on parle de révolution des transports, j'ai tout de suite envie de demander au coach Luc quelle est son opinion. Alors moi, en fait, je pense que cette histoire du jet n'est qu'en fait une façon détournée de poser la question du mercenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, lui, il commence d'abord à parler du copinage. Le copinage, c'est un système finalement d'amitié qui s'instaure comme ça entre des joueurs et qui fait que peut-être que quand ils joueront ensuite les uns contre les autres dans des clubs antagonistes, ils auront peut-être plus de mal finalement à se faire du mal les uns les autres. Alors que finalement, les mercenaires, peut-être c'est un avantage finalement qu'ils ne copinent pas, que les jets les fassent voyager facilement. Comme ça, ils peuvent vraiment se faire du mal sans aucune arrière-pensée et sans romantisme aucun. Vous êtes un vrai Klaus Fitz, mon cher coach Luc. On sent qu'aucune lecture stratégique ne vous manque et ça fait bien plaisir de savoir que vous maniez aussi bien le sifflet que les plots, que sûrement l'arme lourde. Et je pense que le préfet aura certainement besoin de vos services pour mettre en place tous les projets qu'il nous cache pour les Bouches-du-Rhône et éventuellement la région qu'il s'apprête bientôt à contrôler. Ben, il me semble quand même que le copinage dont vous parliez, bon, j'ai un peu l'impression que vous en connaissez un rayon sur le copinage. Est-ce que nos jours, effectivement, le copinage à ce point-là, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est franchement une question qu'on peut se poser. Le copinage, en fait, c'est une question qui revient sur le terrain de ce qu'on appelle le mental. C'est-à-dire, le copinage, c'est l'amitié, ça peut être un sentiment d'amour, même factice, avec lequel, finalement, le coach peut jouer pour, finalement, manipuler ses joueurs et leur faire, c'est l'amour du maillot, c'est-à-dire, quand on est un club, entre guillemets, avec des questions familiales, avec des questions d'honneur du terroir, c'est-à-dire le côté un peu villageois du football, mais ce côté villageois, il ne s'exprime plus avec des mercenaires. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres astuces pour que justement ces mercenaires en viennent à adhérer à un discours, qui est ce discours de l'amour du maillot, qui de toute façon est le leur pendant un an, qui sera celui de quelqu'un d'autre après, etc. Donc finalement, cette espèce de société du travail qui remplace un petit peu le village. Donc l'entreprise remplace le village, etc. Et sans forcément aller jusqu'à parler d'homme-machine, mais malgré tout, ces hommes-là sont des rouages d'une certaine machine et d'un fonctionnement de managérial. C'est ça qui est passionnant, justement, c'est que là, tout d'un coup, bon, les vieux ressorts dont parle Vérel, bon, déjà dans les années 90, plus personne n'en avait rien à foutre, mais les vieux ressorts du maillot, du football de terroir et autres, on ne peut plus vraiment les utiliser. C'est ça qui est drôle. Qu'est-ce que vous utilisez en dehors de la prime, en dehors de l'argent, puisque ce sont des mercenaires qui n'aiment que l'argent, mais ça aussi, ça a ses limites pour motiver quelqu'un, parce qu'on sait que la motivation, c'est pas simplement d'en vouloir, c'est simplement la motivation, c'est tout d'un coup d'être capable de faire le bon geste au bon moment. C'est la lucidité aussi. Alors en fait, on en revient tout simplement à des bonnes vieilles recettes moyenâgeuses, celles du seigneur qui va finalement adouber des mercenaires, leur promettre des terres, donc ça, la promesse des terres, mais aussi plus que les terres, finalement, ce qui les intéresse, c'est d'être fait chevalier, et c'est aussi ce titre de noblesse, c'est-à-dire cette noblesse qui va leur être donnée, cette noblesse à laquelle ils ne pouvaient pas prétendre, puisqu'en tant que mercenaires, ils sont finalement issus de la roture, ils ont été accouchés dans la boue, leurs hurlements ont été finalement surpassés hein, par le cri des bêtes hein, dans l'étable dans laquelle ils sont nés, hein, tout simplement comme ça. Et à un moment donné, voilà, on leur dit que même la crotte qu'ils ont sous les pieds, cette crotte-là, elle va être anoblie. Et ça, c'est plus fort finalement que l'argent. Et c'est par ce ressort-là, hein, ce ressort quand même bien moyenâgeux, qu'on va réussir finalement à faire que ces hommes deviendront des surhommes. Alors, cet adoubement, c'est quoi concrètement? C'est la gloire, le fait de rentrer dans l'histoire, ou tout simplement le droit de cuissage que ça peut leur offrir, puisqu'ils en profitent allègrement? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? C'est une promesse d'amour inconditionnel de la part des gens du peuple dont ils sont issus. C'est-à-dire qu'on va non seulement les aimer, les élever au-dessus de leurs conditions, mais en plus, finalement, cette condition dont ils se sont extraits va les adorer. Ainsi, justement, cette façon de s'élever leur permettrait d'avoir droit à cette morgue qu'ils ont, ce mépris qu'ils affichent systématiquement vis-à-vis de la populace, vis-à-vis du bas peuple, vis-à-vis du commentateur, vis-à-vis même du journaliste. Cette morgue systématique, c'est la morgue des nobles, non? Alors, il y a un peu de ça. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi la morgue plutôt des parvenus hein, que des vrais nobles. Mais je pense aussi que ça traduit aussi finalement un certain ennui hein, de leur part. C'est que quelque part, finalement, une fois qu'ils sont arrivés, et finalement, ils sont décontenancés. Ce n'est pas sans doute ce pas à quoi ils s'attendaient complètement. Et je pense que ce sont quand même des hommes, les footballeurs, ce sont pas des idiots. Enfin, moi, je pense qu'ils se rendent compte, finalement, de la vanité, de la vacuité de tout ça. Et que, voilà, c'est aussi une façon de faire face et d'essayer de la repousser, finalement, ce mépris-là, c'est tout simplement ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de mimétisme. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on déduit, c'est un mimétisme d'antagoniste, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on est, ce qu'on voit dans le miroir, finalement, c'est ce qu'on en vient à détester et à estimer que c'est son ennemi, et c'est ça qu'on va essayer de mépriser aussi. Ils sont comme, effectivement, déçus de leurs conditions, et puis finalement, par rapport au football, finalement, le football, cette chose qui les a fait, et dont ils se sont totalement désintéressés tout en le pratiquant, puisque, comme vous dites, c'est l'adoubement, c'est la noblesse, c'est cette sorte de gloire qui les motive. Et tout d'un coup, quand ils sont arrivés au sommet, effectivement, le football, finalement, ils y sont confrontés directement. Et comme ils ne l'ont jamais véritablement aimé pour lui-même, juste pour ses fins, ils vivent dans ce vide-là. Alors, moi, je serais pas vraiment d'accord avec ça. J'aurais plutôt tendance à dire que justement, le football, c'est ce qui les définit. Et que finalement, ils se rendent compte qu'en dehors de ça, il n'y a plus rien. Au risque de vous interrompre, j'ai une éventuelle proposition synthétique. Ah, vous ne m'avez pas beaucoup laissé de place. Et moi, j'ai envie de vous dire, mes chers, que ce débat m'a beaucoup plu, mais j'ai envie aussi de le clore, quelque part. Et je n'ai peut-être pas cette prétention totale, mais en tout cas, j'ai vu dans ce que vous disiez, en commun, bien sûr, cette question de lutte des classes, et puis aussi toujours cette question de la querelle des anciens et des modernes, puisqu'on se souvient que le préfet nous expliquait bien qu'il y avait un football avant et un football après. En réalité, cette préface de Tony Verret, elle nous montre très bien finalement que c'est quelque chose qui se reproduit toujours. Il y a toujours l'avant et l'après. C'est-à-dire, on a toujours l'impression avant, c'était à peu près correct. Dans les années 90, il y avait un football correct. Dans les années 2010, il n'est plus correct. Et c'est ça que je trouve très très intéressant. C'est la capacité de ce spectacle football finalement à reproduire toujours cette légitimation d'un glorieux passé, d'un futur incertain. Je crois, cher docteur, que vous avez magnifiquement synthétisé la joute verbale qui a opposé le coach au préfet et qui, moi, me semble nous dire, cette joute verbale et cette synthèse, que le sujet SoFoot est clos et qu'on n'aura peut-être pas besoin de s'en occuper pour un futur des bâtons d'Anguirou. J'ai l'impression que tout est dit. Enfin, sauf peut-être que c'est... Ça a l'air très yéyé, hein, ce SoFoot. Oui, c'est extrêmement yéyé, ça c'est sûr. Passons à un autre sujet qui, moi, personnellement, me semble plus intéressant pour un futur des bâtons d'Anguirou, c'est le monstre Pier Paolo Pasolini. On a déjà évoqué dans cette émission le poète, romancier, cinéaste et autres italiens, notamment dans sa participation au Poète Football Club. Je ne me souviens plus exactement du poste qu'il occupait. Coach, vous-même qui faisiez partie de cette équipe, vous vous souvenez du poste de Pasolini? Peut-être un numéro 10 ou un milieu de terrain relayeur, je ne me souviens plus. En tout cas, Pier Paolo Pasolini ne cachait pas sa passion pour le football. Il a notamment commis un petit ouvrage qui s'appelle Les Terrains, qui est assez, assez fameux, et paraît... à cette rentrée littéraire, un ouvrage de Laurent Lannes. Laurent Lannes, qui était pour moi un inconnu jusqu'à présent, mais qui en fait est écrivain et chroniqueur, notamment sur Europe 1 et Sport 365, ce qui n'est pas rien. Oui, oui, ça impose le respect, qui est passionné d'histoire et de sport, donc ce qui légitime totalement cette publication. Il a publié plusieurs livres sur le football et a signé l'an passé un essai sur Jean Jaurès. Donc on voit la complexité du personnage Laurent Lannes. L'ouvrage s'appelle « Pier Paolo Pasolini, le geste d'un rebelle » aux éditions Le Tiers Livre. Un livre extrêmement mal édité, mais dont le contenu pour l'instant nous est inconnu, puisque nous ne l'avons pas lu, hein, bien sûr. C'est le principe de ces chroniques de fin d'émission. Je vous en lis juste quelques lignes du quatrième de couverture. « Tifoso du Bologna FC, spectateur passionné des matchs au Stadio Olimpico de Rome. » Le romancier reprit les mots de Volé pour évoquer le langage du football des banlieues pauvres, puis pour établir un distinguo entre football de prose et de poésie, ce dernier étant incarné par les Brésiliens lors de la Coupe du Monde 1970 à laquelle il assista au Mexique. Souvent sifflé hors-jeu pour ses prises de position iconoclaste, il contribua à changer le regard des intellectuels italiens sur le sens et la portée du football. 2 ans avant de mourir, il révéla la dimension qu'aurait pu prendre cette passion d'enfance qui brûlait en lui comme un feu sacré. Si vous n'aviez pas eu le cinéma à l'écriture, qu'auriez-vous aimé devenir? Un bon footballeur. Après la littérature et l'éros, le football est l'un des plus grands plaisirs. Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai envie de vous questionner sur Pasolini. Comment des bâtons d'Anguirou peut s'emparer d'un tel sujet, d'un tel monstre de la littérature et des arts en général? Moi, je vois que la télé-réalité pour réussir tout cela. Donc, c'est sûr que voilà, on va peut-être passer sur Europe 1 pour se mettre dans la peau de Laurent Lannes et puis faire un petit voyage en Italie, aller sur la plage et puis voir si des petites têtes blondes ou des petites têtes crépues d'ailleurs, essaient pas de nous faire une petite entourloupe. Voilà, un petit peu de télé-réalité, ça peut être bien. Coach. Alors, je sais pas. Moi, je sais que Pasolini, lors de ses tournages, il organisait des matchs de football, finalement, entre les acteurs, les machinistes, etc. Je sais qu'il s'est fâché très, très fortement avec donc, Bernardo Bertolucci, qui a été un de ses premiers assistants sur ses films. Puisque un jour, donc, il organise un match, donc, finalement, de machinistes, de petites mains du cinéma. Et en face de lui, Bertolucci est arrivé avec une équipe composée de mercenaires, dont certains professionnels du football. Et Bertolucci, donc, sur ce match-là, a écrasé complètement, voire humilié, hein, Pasolini. Et Pasolini lui en a voulu à mort, hein, jusqu'à la fin de ses jours. Donc là je ne sais pas, l'insistance sur le côté politique du rapport de Pasolini au football, je pense qu'il était... Pasolini était très, très humain, je pense. Et c'est déjà ça qui était déjà fortement politique à l'époque. Mais on se souvient de l'intervention de Lou Marin, qui avait été notre invité pour une émission spéciale Camus, et un autre monstre de la littérature, et qui, lui, disait la passion du foot chez Camus comme étant un phénomène très surestimé. Moi, j'ai l'impression que chez Pasolini, ça n'est pas le cas et que c'est un sujet qu'il passionnait véritablement. Donc, j'ai l'impression que Des bâtons dans Guirou doit s'emparer de ce sujet. Préfet, votre avis sur la question ? Je ne connais pas Pasolini, mais c'est lui qui a tourné le match de foot dans ton camion ? Ce n'est pas lui, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est un beau moment de cinéma, effectivement. Excusez-moi. On va continuer en musique, si vous le voulez bien. Actuellement un nouveau morceau de la playlist de Coach Luc, morceau Coach Luc qui s'intitule Soccer Practice du groupe Gay Pimp, voilà, tout simplement. C'est l'heure de terminer cette émission avec une dernière injonction qui nous a été donnée par recommandée, encore une fois, qui est arrivée directement chez vous, docteur, puisqu'elle vous concerne. Oui. Vous avez été choisi par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône pour une mission. Il nous a été recommandé poliment, mais donc on a bien senti qu'on était obligé de regarder la télé oui. À présent pour s'informer un peu mieux avant de dire n'importe quoi. Vous avez donc depuis une semaine été chargé pour Des bâtons dans Guirou de regarder la télé et vous avez décidé, peut-être on le fera chaque semaine, on verra hein, si l'état d'urgence se maintient, de faire une petite chronique à ce sujet. Alors figurez-vous que effectivement j'ai reçu cette annonce avec colère. Néanmoins, j'ai lutté toute la semaine et fatalement le dimanche soir, certainement par atavisme, par faiblesse, par peur aussi, eh bien j'ai allumé ce bon vieux poste, voilà. Et puis j'ai regardé cette bonne vieille chaîne. Hier soir, j'ai vu LOL. Oui, je vous jure, LOL. Un film sur des petits bourges avec Sophie Marceau. 30 ans après la boum, pas une ride, une vraie pub pour la coke. LOL, un type comme moi, des principes, un taux horaire vertigineux, pas de téloche. LOL, retour de TF1 en grâce, miracle du djihadisme. Il n'y a plus que deux camps, l'un hurle à la Wakbar, l'autre textote LOL. Je fais visiblement partie du second. Je suis un peu déçu, certes, mais ayant malencontreusement stoppé ma dérive tabagique lors d'un concours de circonstances sanitaro-atmosphériques, je m'en contrefous. J'envisage la reprise à tout instant, je ne pense qu'à ça. C'est comme une attaque terroriste. Avant, vous fumiez, vous ne saviez pas la chance que vous aviez. Aujourd'hui, un être vous manque, une sorte de membre fantôme dont la fonction consiste à faire trait d'union entre votre bouche et le bout de vos doigts, brûlant au passage les poils de votre gorge, ce qui sert à déglairer comme vous savez. Mais revenons-en à LOL. Mort de rire, tout y passe. Même le cours de sport. Miracle du sport. Là où LOL creuse un fossé béant entre des ados new-lookés et d'autres, qu'on ne voit d'ailleurs pas à un seul instant, comme si la carchérisation des esprits parisiens avait bien réussi ici, LOL fusionne au passage bourgeois et bobos dans une même classe surprotégée, visiblement, en tout cas de par ma lecture de cette série. Le cours de sport, heureusement, nous régale de sa singularité, de son intemporalité. Je parle du cours de sport de ce film LOL d'hier soir. Surtout, il nous régale de l'éternel et kitschissime survêtement du professeur, laissant aux formidables chaussettes blanches le loisir de se déployer tel le coup d'un cygne entre Adidas et Reebok, ou peut-être entre New Balance et Panzari. Et là, je me suis pris à rêver. Merci TF1. Je me souviens de Monsieur Muller, petit, portant un bouc, les mains baladeuses, la sinistre physionomie d'un réserve, l'hémisphère gauche de gros dégueulasse. Mais rien en commun à part cette ascendance allemande subodorée chez les deux. À l'occasion de quelques pathétiques tours de terrain, alors que nous profitions, avec l'ami Cosciencique, des précieux buissons pour économiser la non moins précieuse énergie qui remplissait alors nos purulents prurites, Muller nous engueula vertement, nous affublant des surnoms aussi jouissifs qu'inexplicables de Zeus et d'Apollon. La comparaison nous plut. Muller remonta dans notre estime. Quelques jours plus tard, merci TF1, toujours et encore, que ferions-nous sans vous, sans toi ? Quelques jours plus tard, donc, je recroisais Tom Selleck, ancien vétéran du Vietnam, mais sémillant magnum, délicieux magnum, à la ville Honolulu, pour ne pas la citer, et immanquablement s'entendre résonner l'exaltant générique d'Hawaii Police d'État. Surtout, je recroisais Jonathan Quayle Higgins III, le chauve Higgins pour faire simple, et là tout s'éclaira. Le majordome de Robin Master rappela à l'ordre ces deux Doberman, caressant par trop près l'arrière-train de Magnum et de Tissy, pilote plus tard village pipolisé à son grand dame. Zeus et Apollon, ainsi se nommaient-ils, les Doberman. Oui, je parle des Doberman, bien sûr. Monsieur Muller, prof de PS de son état, n'avait pas extrait par hasard ces deux sommités de son maigre panthéon. Monsieur Muller n'avait point goûté Homer. Monsieur Muller nous assimilait aux chiens d'Higgins. À ses chiens, pour être clair. Nous allions en croquer des culs avec lui. Certainement même en rabattre pour son compte, pour ses petits attouchements de collégienne, dans le sens du poil de son répugnant bouc. Tu pues, Muller. Tu nous as bien fumé. Tu nous as mis la laisse, le collier à clous, affublé d'un doux nom. TF1, merci TF1, encore merci TF1, tu es la source de jouvence, car à partir de ce jour, nous cessâmes de courir, fumâmes, allumâmes notre poste et gagnâmes un nom et choisîmes notre camp, LOL. Merci cher docteur pour cette chronique et pour vous être plié à cette nouvelle injonction que la préfecture nous a envoyée. Je suis une serpillère, une cince comme on dit dans le Poitou. Merci coach pour votre belle participation une fois de plus à ce débattons d'Anguirou spécial foot sous préfecture. À bientôt. À bientôt et merci à vous Philippe Howard dit le préfet. Pour avoir été notre invité prestigieux aujourd'hui et nous avoir éclairé sur tout ce qui nous guette pour le futur proche. De rien, mes enfants. Je pense que pour le début des injonctions, tu dis avec accusé de réception, c'est quand même l'accusé qui compte. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de 30 tours de stade publiés aux éditions Van Loo, comme on préfère. Et on vous remercie bien, on va se retrouver quant à nous dans une quinzaine de jours sur cette même antenne pour une émission surprise, puisque nous n'en avons pas encore choisi le thème. Et puis sur une autre antenne pour une émission spéciale enquête qui sera consacrée à la mort de Thierry Gilardi. Puisque des nouveaux éléments au dossier nous sont parvenus, sa mort ne serait pas si naturelle que ça. La question sera donc posée, qui a tué Thierry Gilardi ? Bonne soirée à tous, bonne nuit sur Radio Galère et à très bientôt. matter what it is, the dreams you want.